12. I am ready. Jésus a donné dit. Verse 1. Verset 1. At that time, Michael, the great prince, en ce temps-là, se révélera Michael, le grand chef, who protects your people, le défenseur des enfants de ton peuple, will arise. Et sera élevé. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. En ce temps-là, se révélera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. Il sera une époque de détresse, dès qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Stop there for a moment. Arrêtez là pour un moment. August 19, le 19 août 2008, 2008, I was in Kenya. J'étais au Kenya. And the Lord spoke with me about the global economic crisis that was coming. Le Seigneur a parlé avec moi sur la crise globale économique qui est arrivée. How did he speak with me? Comment est-ce qu'il a parlé avec moi? Many people say the Lord spoke, the Lord spoke. Beaucoup de gens disent, le Seigneur a parlé, le Seigneur a parlé. That's why you see, I'm giving you the details of the vision. C'est pourquoi moi je vous donne les détails de la vision. Next time somebody comes and tells you, the Lord told me. Quand quelqu'un viendra après vous dire, le Seigneur m'a parlé. How did he tell you? Demandez-lui, mais comment est-ce qu'il vous a parlé? Display for me the vision. Décris pour moi la vision. Then you catch them. Alors vous allez les attraper. You catch the liars. Vous allez attraper les menteurs. They will never lie to you again. Ils ne vont plus mentir sur vous encore. How did he tell you? Describe to me that vision. Décris-moi, comment est-ce que vous parlez? Décris-moi la vision. When he spoke with me on August 19, 2008. Quand il a parlé avec moi le 19 août 2008. Then we had a big meeting on the 23rd and 24th August. Alors nous avions une grande réunion le 23 et le 24 août. In a town known as Nakuru, Kenya. Dans une ville appelée Nakuru au Kenya. And I stood up in the altar and I announced. Je me suis mis debout sur l'autel et j'ai annoncé. That soon there is going to be a global famine. Que bientôt il y aura une famine globale. And a global economic crisis. Et il y aura une crise économique globale. And then less than 2 months. Et en moins de 2 mois. When Pastor Jack invited me to Toronto for this message to get there. Quand le pasteur Jacques m'a invité à Toronto pour que ce message arrive là-bas. October. Au mois d'octobre. October 2008. Octobre 2008. In fact, I remember it was October 7th. Je me rappelle c'était le 7 octobre. All the global markets crashed. Tous les marchés financiers se sont écroulés. Until today. Jusqu'aujourd'hui. Banks were closed, everything. Toutes les banques ont fermé, plusieurs banques ont fermé les choses. I have a special message for that one. J'ai un message spécial pour ça. But what am I using this to emphasize? Mais je l'utilise aussi pour insister. In that vision, he showed me the black horse. Dans cette vision, il m'a montré le cheval noir. We are going to elaborate it later. Je vais élaborer sur ça plus tard. But Daniel is saying. Mais Daniel a dit. That there will be distress. Il y aura une détresse. Across the nations, au travers les nations, such as has not happened, une grande chose qui n'a jamais eu lieu auparavant, from the beginning of nations, depuis l'existence des nations, until then, jusqu'à ce temps-là, which means now, c'est-à-dire maintenant, Daniel is an end-time prophet. Daniel c'est un prophète de temps de la fin. He prophesied from the east. Il a prophétisé de l'Orient. But he was seeing what was coming to happen now. Mais il voyait ce qui devait arriver à cette période ici. The distress. La détresse. Those of the earthquakes have been prophesied. Ce sont les tremblements de terre dont j'ai prophétisé. That is the war coming to Iran that I prophesied. C'est ce qui est arrivé en Iran que j'ai prophétisé. That is the earthquake coming to Lake Malawi that I'm still prophesying. C'est le tremblement de terre qui arrive au Malawi que je continue à prophétiser. Lake Malawi. Le lac de Malawi, dans la région de Malawi. I see another earthquake hitting Texas. J'ai vu un autre tremblement de terre qui va toucher le Texas. Including the earthquake of Italy, I prophesied. Même chose, j'ai prophétisé sur le tremblement de terre qui est arrivé en Italie. My team in Kenya. Mon équipe au Kenya. They always write down. There is not a thing that feels it up. And when it happens on CNN, because it arrives at CNN, they just follow. Oh, this was prophesied. This is the thing. They take it. They take it. Daniel saw. Daniel has seen that there will be distress. You are in distress. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. But at that time, à cet temps-là. You are people. Donc, peuple. If I were you, I would still underline your people. Si j'étais vous, je continuerais toujours à souligner ton peuple. But at that time, you are people. À cet temps-là, c'est ton peuple. Everyone whose name is found written in the book. Qui seront trouvés inscrits dans le livre. Will be delivered. Seront sauvés. So Daniel sees a great distress. Daniel a vu une grande détresse. But the Lord allows Daniel to see. Mais le Seigneur a permis à Daniel de voir. The elect. Les élus. The people of the Lord. Le peuple du Seigneur. How they will be protected. Comment ils seront protégés. How they will be delivered. Comment ils seront sauvés. In the distress. Dans la détresse. Verse 2. Le verset 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Some to everlasting life. Les uns pour la vie éternelle. Others to shame and everlasting contempt. Et les autres pour le pauvre et pour la honte éternelle. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. And those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll. Moi, Daniel, tiens secret sur ces paroles et scelle le livre. Until the time of the end. Jusqu'au temps de la fin. Many will go here and there to admit knowledge. Plusieurs alors le verront. Et la connaissance augmentera. Then I, Daniel, and there before me stood the two others. Et moi, Daniel, je regardais voici deux autres hommes se tenaient devant. One on this bank of the river and the other the opposite bank. Debout l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. One of them said to the man dressed clothed in linen. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. Who was above the waters of the rivers? Qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. How long will it be before the astonishing things are fulfilled? Quand sera la fin de ces prodiges? And then how long will it be until these astonishing things are fulfilled? Quand sera la fin de ces prodiges? The man clothed in linen who was above the waters of the river. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Lifted his right hand and left hand towards heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui est vie éternellement. It will be for a time, times, and half a time. Et ce sera dans un temps, et temps, et la moitié d'un temps. When the power of the Holy One has been finally broken, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. When the power of the holy people has finally been broken, quand la force du peuple saint sera finalement brisée, all these things will be completed. Toutes ces choses seront finies. I want to stop there for a moment. Je vais arrêter là pour un moment. Let's get revelation here. Et c'est la bonne révélation ici. I'm going to talk to you about the rapture of the dead and what is the message to the church in France. Je vous dis sur l'enlèvement des morts et quel est le message pour l'église en France. But when you read the Bible under the power of the Holy Spirit, quand vous lisez la Bible sous la puissance du Saint-Esprit, then you get the revelation in the word. Alors vous avez la révélation dans la parole. Because you see, Daniel talks of the great distress. Alors Daniel a parlé de la grande détresse. And it includes earthquakes, the floods. Et ça inclut les tremblements de terre et les inondations. The Katrinas that I prophesied. Les Katrinas dont j'ai prophétisé. That came to New Orleans. J'ai prédit à la Nouvelle-Orléans. The earthquakes, the global famine. Les tremblements de terre, la crise globale économique. But listen to this. Mais écoutez ceci. Immediately from verse 1, when Daniel is in distress. Après le verset 1, quand Daniel a vu la détresse, the book Daniel sees. A multitude who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, some to shame. Et Daniel a vu que plusieurs de ceux qui tombaient dans la poussière de la terre se sont réveillés, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Which means when the distress arrives, ça veut dire que quand la détresse arrive, then we are sitting at the brink of rapture. Ça veut dire que nous sommes assis à l'aube de l'enlèvement. Any moment the rapture will take place. À n'importe quel moment l'enlèvement aura lieu. And listen to me, precious people. Précieux peuple. And down there, et en bas, là-bas, he is describing a lot of things that will happen. Il décrit plusieurs choses qui vont arriver. And he's talking about even the dispensation. Il parle même de la dispensation. And he continues to say, il continue à dire, that when the power of the holy people, quand la force du peuple saint, will have been broken, sera brisée, these things will happen. Alors ces choses finiront. Listen very carefully. Écoutez attentivement. Catch the revelation here. C'est la révélation ici. Apostasy. L'apostasie. Apostasy in the church. L'apostasie dans l'église. That's what Daniel was talking about here. C'est de ça qu'il allait parler ici. He was saying, when you begin to see apostasy enter the church. Il disait quand vous allez commencer à voir l'apostasie rentrer à l'église. Then these things are being completed. C'est que les choses sont en train de se compléter. Which means the falling away from true faith. Ça veut dire que l'abandon de la vraie foi. Listen very carefully. Suivez attentivement. The power of the holy people. What is that power? La force du peuple saint. Quelle est cette force? Isn't that the Holy Spirit? N'est-ce pas cela le Saint-Esprit? He is talking about the Holy Spirit. Il parle du Saint-Esprit. When the rapture takes place, quand la levée aura lieu, the church is taken. L'église est apportée. Even the Holy Spirit is taken. Même le Saint-Esprit va partir. Alléluia. Alléluia. Even your helper is taken. Même votre aide sera partie. That means the rapture is absolutely very critical. Ça veut dire que l'enlèvement est absolument critique et important. Make sure you enter the rapture. Soyez sûr que vous êtes dans l'enlèvement de l'église. If you miss the rapture, the Holy Spirit will not be there. Si vous manquez l'enlèvement, le Saint-Esprit ne restera plus ici. But listen to the revelation here. Écoutez la révélation ici. Daniel sees when the dead are raptured. Daniel a vu quand les morts étaient enlevés. The same vision the Lord showed me. La même vision que le Seigneur m'a montré. But when Daniel saw, he saw like one vision. Mais quand Daniel a vu, il a vu comme une seule vision. He saw the two resurrections. Daniel a vu les deux résurrections. He saw those who are resurrected for rapture. Il a vu ceux qui étaient ressuscités pour l'enlèvement. And those resurrected for judgment. Et ceux qui étaient ressuscités pour le jugement. But when the rapture is near, mais quand l'enlèvement est proche, now the Lord shows me only those resurrected for rapture. Quand l'enlèvement est proche, le Seigneur me montre seulement ceux qui ressuscitent pour l'enlèvement. And then the voices in the majority have remained in the dust of the earth. Et la voix a dit, la majorité d'entre eux est restée dans la poussière de la terre. But among those who are resurrected for rapture, mais parmi ceux qui sont ressuscités pour l'enlèvement, there are two classes of people. Il y a deux groupes de peuples. The first class, la première classe, those who are wise, ceux qui sont sages. Daniel sees those who are wise. Daniel a vu ceux qui étaient sages, intelligents. They shine like the brightness of heaven. Ils brillent comme la splendeur des cieux. Which is their wedding garments. Ça veut dire que leur robe de noces. Which means their bodies. Ça veut dire que leur corps. Have been transformed. A été transformé. And they are now as glorious as the heavens. Ils sont maintenant glorieux comme la splendeur des cieux. Their bodies are now as glorious as the heavens. Leur corps maintenant est glorieux comme la splendeur des cieux. Those who are wise. Ceux qui sont intelligents, qui sont sages. What is the message to the Church of Christ in France? Quel est le message pour l'Église de Christ en France? Listen to this. Écoutez ceci. In other words, the Lord is saying, en d'autres mots, le Seigneur dit, that the Church of Christ in France, que l'Église de Christ en France, today, aujourd'hui, you have encountered the fullness of time. Vous avez rencontré la plénitude de temps. The day has arrived. Le jour est arrivé. For the Church of Christ in France, pour l'Église de Christ en France, to begin walking in the wisdom of God. Vous commencez à marcher dans la sagesse de Dieu. You must be wise now. Vous devez maintenant devenir sage. If it is the wise, si c'est le sage, that Daniel says you are people, que Daniel a dit mon peuple. If it is the wise, si ce sont les sages, that Daniel said will be delivered, que Daniel a dit que eux seront délivrés. Then you want to be wise. Alors vous devez devenir sage à ce moment. You want to be his people. Vous devez devenir son peuple. But the book of Proverbs chapter 1 verse 7. Le livre de Proverbes chapitre 1 verset 7. He says, the fear of the Lord. Qui dit la crainte du Seigneur. Is the beginning of all wisdom. C'est le commencement de toute sagesse. That means God has sent me to France. Ça dit que Dieu m'envoie en France. To tell the Church of Christ in France. Pour dire à l'Église du Christ en France. The time has come. Que l'heure est venue. For you to return. Pour vous de retourner. To the fear of the Lord. Dans la crainte du Seigneur. Why would God say such a thing? Pourquoi Dieu dirait une telle chose? It is as though. C'est comme si. He has watched the church. Il a regardé l'Église. Over the centuries. Il a observé l'Église au travers des siècles. And he does not see the fear of the Lord. Il n'a pas vu la crainte du Seigneur. So he said to me, run there, tell them about that vision, run there. Il m'a dit, cours, va leur dire de cette vision, va leur parler de cette vision. And tell them, time has come to live in the fear of the Lord. Dis-leur, l'heure est venue de vivre dans la crainte du Seigneur. And get out of internet pornography. Et sortez de la pornographie sur internet. Get out of the magazine pornography. Sortez des magazines de pornographie. Get out of smoking. Arrêtez de prendre la cigarette. Get out of immorality. Sortez de l'immoralité. Get out of abusing the grace. Sortez de l'abuser la grâce de Dieu. He says. Il dit. Let us work out our salvation. Travaillons notre salut. In fear and trembling. Dans la crainte et dans le tremblement. Hallelujah. Hallelujah. And then he says. Et puis il dit. Daniel. Those who are wise, like the brightness of heaven. Ceux qui sont sages triomphent comme la splendeur des cieux. But those who lead many to the righteousness of God. Mais ceux qui ont conduit plusieurs à la justice de Dieu. He sees that they shine even brighter than the heavens. Mais il a vu qu'ils brillent même plus que la splendeur des cieux. They shine like the stars. Ils brillent comme les étoiles dans le ciel. You know when you walk out in the day. Vous savez quand vous réveillez le jour. The little kids, les petits enfants, they can say, ils peuvent dire, look, I'm seeing a star, that's a star. Regarde, je vois une étoile, ça c'est une étoile. Daddy, what's the name of that star? Papa, quel est le nom de cette étoile? The heaven is bright. La splendeur du ciel est brillante. But the star shoots out. Mais l'étoile brille plus fort. That means the Lord is sending me here to tell you. Ça veut dire que le Seigneur m'envoie pour vous dire. That it is not enough to say that, look, I am going to heaven. Ce n'est pas suffisant de dire que regarde, je vais au ciel. But let us fight for the prize. Mais combattons pour le grand prix. Let us fight for the highest prize. Combattons pour le prix élevé. Let us achieve the highest reward. Accomplissons la plus grande récompense. Hallelujah. Hallelujah. I want to read that. Let's finish Daniel first. Finissons Daniel, je vais lire ça. And he says, verse 9. Au verset 9, il dit, he replied, call you Daniel, because the words are closed up and sealed until the time of the end. Il répondit, va dans les cages, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Many will be purified, made spotless and refined. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. But the wicked will continue to be wicked. Les méchants feront le mal. But listen to this. Écoutez ceci. None of the wicked will understand. Et aucun des méchants ne comprendra. But those who are wise will understand. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Hallelujah. Hallelujah. I love this scripture. Moi, j'aime cette parole ici. This scripture warms my heart. Cette écriture a donné la chaleur à mon cœur. It warms my heart so much. Ça a donné la chaleur à mon cœur tellement. Because it says. Parce qu'il dit. Those who are wise will understand. Ceux qui sont intelligents, ils comprendront. And those who are wicked will not understand. Ceux qui sont méchants ne comprendront pas. That means it is a wisdom which is hidden. Ça veut dire que c'est une sagesse qui est cachée. It is a hidden wisdom of God. C'est une sagesse cachée de Dieu. In Job chapter 28, verse 28. Job chapitre 28, verset 28. He says. Il dit. The fear. Ah, hallelujah. He says the fear of the Lord is wisdom. Il dit la crainte du Seigneur c'est la sagesse. To shun evil is understanding. Mais de connaître le Seigneur c'est la compréhension. To shun evil, to reject evil. De rejeter le méchant, la méchanceté. Is understanding. C'est la compréhension. Ah. Isn't that the Holy God? N'est-ce pas ça un Dieu saint? And he says, you'll see many going here being purified, being refined. Vous allez voir plusieurs aller là-bas être purifier, être raffiné, épuré. And the dispensation has come. Et la dispensation est venue. For flesh. Pour la France. Because the Lord has sent me here. Parce que le Seigneur m'a envoyé ici. And many of you. Et plusieurs d'entre vous. Will now start purifying themselves. Vous allez commencer à vous purifier vous-même. Refining their Christian walk. Purifier votre marche chrétienne. And purifying out. Et purifier à l'intérieur. And being made spotless. Et de devenir sans tâche. Alléluia. Alléluia. Because the dispensation has arrived. Parce que la dispensation est arrivée. To prepare for the wedding of the Lamb. De se préparer pour les noces de l'agneau. But Daniel says. Daniel a dit. The those who evangelize the righteousness of Jesus. Ceux qui ont évangélisé sur la justice de Jésus. They will shine even brighter than the wise. Ils vont briller même plus que ceux qui étaient sages. Because they will be like the stars. Parce que eux, ils seront comme les étoiles. Which means the Lord is saying. Le Seigneur dit ceci. It is not enough to say, oh, I'm going to heaven. Ce n'est pas suffisant de dire, oh, je m'en vais dans le ciel. You need to fight for the highest price. Vous devez vous battre pour le prix le plus élevé. He promised in the Bible. Il a promis dans la Bible. That in the last days. Que dans les jours de la fin. A season will arrive. Il y aura une saison. For the latter harvest. Pour la dernière moisson. That means the hearts of the people will now be predisposed, they will be vulnerable to the gospel. Ça veut dire que le cœur du peuple sera maintenant prédisposé, ça sera prêt pour recevoir l'évangile. In Kenya, au Kenya, even the leaders now, même les leaders maintenant. When I left Kenya, quand j'ai quitté le Kenya, every television station, toutes les stations de télévision, they are discussing, ils sont en train de discuter, what is baptism? C'est quoi le baptême? He has baptized the prime minister. Il a baptisé le premier ministre. What does that mean to the nation? Qu'est-ce que ça veut dire pour la nation? Everybody is discussing about baptism. Tout le monde discute sur le baptême. And salvation. Et sur le salut. The prime minister has received the Lord. Le premier ministre a reçu le Seigneur. What does that mean to the cabinet? Qu'est-ce que ça veut dire pour le cabinet? And I say. Et je dis. That means they too must now receive Jesus. Je dis que le cabinet aussi doit maintenant recevoir Jésus. Listen, me somebody. Which means, ça veut dire, what Daniel was saying, qu'est-ce que disait Daniel? It is true, c'est vrai, the time would come, que l'heure vient, when you need to evangelize the righteousness of Jesus. Tu dois évangéliser sur la justice de Jésus. What the Bible says, qu'est-ce que la Bible dit? Is true, c'est vrai, the time would come, que le temps vient, when there will be a latter harvest. Il y aura une moisson de temps de la fin. You will make the hearts of the people vulnerable to the gospel. Il mettra le cœur des gens vulnérables pour l'évangile. And that time is now. Et ce temps-là, c'est maintenant. When you evangelize to the people in the streets in France. Quand vous allez évangéliser les gens dans les rues de la France. What will you tell them? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Will you tell them, come receive Jesus, he will give you a new car. Vous allez lui dire, venez, recevoir Jésus, il va vous donner une nouvelle voiture. Come receive Jesus, he will give you a private aeroplane. Venez, recevoir Jésus, il va vous donner un avion privé. Come receive Jesus, he will give you a big home near the beach. Venez, recevoir Jésus, il va vous donner une grande maison à côté de la plage. Is that what you tell them? Est-ce que c'est ce que vous allez leur dire? And so the Lord is asking. Alors le Seigneur demande. Will you win them from the streets? Quand vous les gagnez dans la rue, where will you take them? Où allez-vous les amener? In the church, à l'église, I see sexual sin. Dans l'église, j'ai vu le péché sexuel. Are you bringing them from the sexual sin of the world to the sexual sin of the church? Est-ce que vous les amenez du péché sexuel du monde vers le péché sexuel de l'église? Is the church of Christ in France ready for the latter harvest? Est-ce que l'église de Jésus-Christ ici en France est prête pour la dernière moisson? Alléluia. I told you today your lives must change forever. J'ai dit qu'aujourd'hui votre vie doit changer pour toujours. Today is the day of re-examination. Aujourd'hui c'est le jour de la réexamination. We are going to Zambia. Nous partons en Zambie. Zambia is even bigger. La Zambie est même plus grande. The president and the cabinet and the whole nation, they want to shut down the country to receive the Lord. Le président, le cabinet, tout le peuple, ils veulent arrêter le pays tout entier pour recevoir Jésus. So the journey is long. Alors mon voyage est très long. If that is what's happening in Zambia, si cela arrive là-bas en Zambie, what are you going to do in France? Qu'allez-vous faire ici en France? Are you going to bring them to the sexual sin of the church? Allez-vous les amener au péché sexuel à l'église? are tired of sexual sin. And that's why they are looking for the Lord. But when they come here, they said, hey, I used to sing in the prostitute clubs. And many men used to say my voice was good. My voice was sweet and good. Many men say like that. But now, mais maintenant, I have come to the church. Je suis venu à l'église. I want to sing for the Lord. Je vais chanter pour le Seigneur. Now I understand why he gave me the sweet voice. Maintenant, je comprends pourquoi il m'a donné une si belle voix. And the pastor will say, wow, that is wonderful. Join the worship team. Et le pasteur dira, ah, ça c'est merveilleux. Rejoins l'équipe d'adoration. And when she comes there, et quand elle arrive là, she will meet sexual sin. Elle va avoir encore le péché sexuel. Outside there, là-bas dehors, the prostitutes, les prostituées, they go to some witch doctors. Ils vont voir les féticheurs. I was praying for one of them. Je priais pour l'une d'entre elles. That came from Germany. Qui venait de l'Allemagne. I met her there. Je l'ai rencontrée là-bas. When I took the gospel, she came, she wanted to receive the Lord. Quand j'ai prêché l'évangile, elle est venue pour recevoir le Seigneur. And she received the Lord. Et elle a reçu le Seigneur. And now she started telling me how the world of prostitutes is a very rough world. Et elle commence à me dire comment le monde des prostituées est un monde dur. That you must go to witch doctors. Que tu dois aller voir les féticheurs. To try to finish your other competitors. Pour commencer à terminer des compétiteurs que tu as dehors. And the witch doctors do things like this, put 500 euros here. You will get here. Hey, give me 500 euros here today, you will get blessings here. And so when they are tired of prostitution, alors, quand ils sont fatigués de la prostitution, and they come to the church, then they meet the false prophets. Alors, ils rencontrent les faux prophètes. They meet the weak doctors in the church. Ils rencontrent les féticheurs dans l'église. That bring the man at the feet of the apostle. Qui amène les mains de ton fils et des apôtres. That if you saw a seed, you get your miracle here. En disant que si tu donnes une semence ici, tu vas avoir ton miracle ici. They meet the same witchcraft in the church. Enfin, ils rencontrent les mains de féticheurs dans l'église. Where will you take them? Où est-ce que tu vas les amener? Today the Lord is announcing revival in France. Aujourd'hui le Seigneur annonce le réveil en France. But where are you taking them? Mais où est-ce que tu vas amener ces âmes? Is the church ready? Est-ce que l'église est prête? She's not. Elle n'est pas. He told you when you're preaching here. Et il m'a dit quand vous prêchez ici, the worship team will be on the right hand side. L'équipe de la loi sera sur votre droite. And when you look like this, one of them is smoking. Et quand vous les regardez là-bas, l'un d'entre eux est un fumeur. When you look like this, one of them, I hear the conversation. He met the girl. Et quand vous les regardez, j'ai entendu la conversation. Il disait, j'ai rencontré la fille. He met the girl out there. Il a rencontré la fille dehors là-bas. And they were talking sexual sin. Et il parlait du péché sexuel. Where will you take them? Où est-ce que tu vas amener ces âmes? And the Lord is telling me, tell them. Et le Seigneur me dit, dis-le. I am going to open the hearts of people for the gospel. Je vais ouvrir le cœur des gens pour qu'ils reçoivent l'évangile. But where will you take them? Mais où est-ce que tu vas amener ces gens? When they come to the church, quand ils viennent à l'église, they will find girls fighting for the pastor's attention. Ils voient les filles encore se battre pour attirer l'attention du pasteur. Fighting, changing dresses. Ils ont besoin de se battre en changeant leur habillement, en changeant les tenues d'habit. All the time changing dresses. Ils changent les habits à tout moment. Today she's in red dress this weekend. Aujourd'hui, ce week-end, elle est en habit rouge. And all the other girls are talking about her. Look at what she's wearing today. Et toutes les filles parlent d'elle. Regarde comment elle est habillée aujourd'hui. She, look the way she looks at the pastor. Look. Regarde comment elle regarde le pasteur. Regarde comment elle regarde le pasteur. Where will you take them? Où amèneras-tu ces âmes? They are the sheep of Christ. Elles sont les brebis de Christ. The church must be purified first. L'église doit d'abord être purifiée. That's why I told you, don't give me even one penny of a euro. C'est pourquoi j'ai dit, ne me donnez même pas un centime d'euro. I don't want you. Je ne veux pas ça. But prepare your hearts in repentance. Mais préparez vos cœurs dans la repentance. But prepare in holiness. Mais préparez-vous dans la sanctification. He sent me to revenge the devil. Il m'a envoyé pour revancher contre le diable. The devil has devoured the bride of Christ for a long time. Le diable a dévoré l'épouse du Christ pendant longtemps. And yesterday he said, look at how wonderful she is. Look at how the bride of Christ is beautiful. She was going and just saying, yes, I honor you, Lord. Only you know me. I bless you, Lord. I worship you, Lord. She was kneeling. Yeah, elle s'agenouillait. Elle regardait comment elle est belle, l'épouse de Christ. Regarde la forme comment elle est belle. Elle va devant le Père. Elle s'agenouille. Elle s'agenouille devant le Seigneur. He said, look at how humble she is. Elle disait, regarde comment elle est humble. Look at how beautiful she is. Regarde comment elle est belle. But the devil has been devouring her. Mais le diable est en train de la dévorer en même temps. Today, he has sent me to remove her from the beat of the devil. Ah! Aujourd'hui, il m'a envoyé pour l'arracher de la gueule du diable. Alléluia. Alléluia. Daniel talked about those who are wise and those who lead many to righteousness. Daniel a parlé de ceux qui sont intelligents et de ceux qui conduisent plusieurs à la sagesse de Dieu. How can you lead people to righteousness in that mini skirt? Comment pouvez-vous conduire les gens à la justice de Dieu en portant les mini jupes? In a tight trouser here. Avec les habits serrés ici devant. Meant to see your anatomy. Pour que les hommes voient ton anatomie. Meant to see. Pour que les gens puissent voir cela. Why should they see? Pourquoi? Why do you want them to see your anatomy when you're worshiping here? Pendant que tu adores ici, pourquoi tu veux qu'ils voient ton anatomie? That they may lust at you. Afin qu'ils puissent te convoiter. Amen. Alléluia. Alléluia. The moment of truth has arrived. Le moment de vérité est arrivé. And only the truth will set the church free. Et seule la vérité affranchira l'église. Listen. Écoutez. If I did not tell you this, si je ne vous dis pas ceci, I would have a lot of blood on my hands. J'aurai beaucoup de sang dans mes mains. But when I finish this, I can wash my hands. Et quand je finis ceci, je peux laver mes mains. Even the father will register that France you went. Même le père va enregistrer en disant que lui, il est parti en France. He says next, please. Next il dit country. Va à la prochaine, au prochain pays. Next country. Au prochain pays. Women, change your dressing. Femmes, changez vos habillements. Men, change your dressing. Hommes, vous aussi changez votre façon de vous habiller. Pastors, change your eyes. Pasteur, changez vos yeux. Remove the lasting eyes. Enlevez les yeux de convoitise. Where are the eyes of Jesus? Remettez-vous des yeux de Jésus. Stop meeting the young girls in your office alone. Arrêtez de rencontrer les jeunes filles dans ton bureau tout seul. Stop it. Arrêtez cela. Let us have a good testimony. Ayons un bon témoignage. The holy testimony. Le témoignage de la sainteté. Remove those young worship girls from your car. Enlevez ces jeunes de la chorale de ta voiture. Oh, I was just giving her a lift. Oh non, je les conduisais juste pour les déposer quelque part. And your wife is crying. Et ta femme est en train de pleurer. So please, you're going to fall off. I fear you're going to fall. La femme dit, s'il te plaît, je vois que tu vas tomber. Je vois que tu vas tomber. Remember the Lord. Souviens-toi du Seigneur. Remember where he removed us. Rappelle-toi d'où le Seigneur nous a tirés. Please remember us. S'il te plaît, rappelle-toi de nous. Don't fall. Ne tombe pas. Don't ashamed me. Ne me mets pas dans la honte. Ah non, I'm just giving her a lift. Non, je donne ce mal. Je la conduis juste pour la déposer. Oh no, she's just like my daughter. Non, elle est juste comme ma fille. Hein? But why is she always calling you by phone? Mais pourquoi est-ce qu'elle t'appelle toujours au téléphone? Everybody must change tonight. Aujourd'hui, tout le monde doit changer. Everybody must repent tonight. Tout le monde doit se repentir ce soir. So that you are purified. Afin que vous soyez purifiés. So you are refined. Afin que vous soyez épilés. So you can go back to holiness. Afin que vous retournez dans la sanctification. And delete the phone numbers. Et que vous détruisez les numéros de téléphone. Change your SIM cards. À changer les SIM cards de votre cellulaire. Bible says, la Bible dit, if your eye causes you to sin, si votre œil vous cause à pécher, take a sharp knife, prends un couteau pointu, cut and remove it. Enlève cet œil là, tue cet œil, crève cet œil. That eye might be the cell phone. Cet œil peut être ton cellulaire, ton téléphone. That eye might be the worship girl who is always coming to you after worship. She has a question, she has a question, she has a question. She has a question every day. And you cannot see that this is going to be sexual. Where is the wisdom of God? Today, aujourd'hui, the wisdom of God has come. La sagesse de Dieu est venue. We don't have time. Nous n'avons pas le temps. The book of listen very carefully. Suivez-moi attentivement. Revelation 22 verse 12. Apocalypse 22 verset 12. The Lord has come to tell you that there is the judgment seat of Christ. Le Seigneur vient vous dire qu'il y a un trône de jugement de Christ. That even those who enter the rapture must present themselves before the white throne of judgment. And there, they must account for everything they ever said, everything they ever saw, everything they ever did, toutes les choses qu'ils ont fait, even what they just planned in their hearts, même ce qu'ils ont planifié dans leur cœur. He says, il dit, Revelation 22:12, Apocalypse 22 verset 12, behold, I am coming soon. Voici, je viens bientôt. My reward is with me. Et ma rétribution est avec moi. And I'll give everyone according to what he has done. Pour rendre à chacun selon ce qu'il est, ce qu'est son œuvre. It is not enough to say I am going to heaven. Ce n'est pas suffisant de dire je m'en vais au ciel. There will be rewards. Il y aura des récompenses. And you will not enter heaven as a church. Vous n'entrerez pas dans le ciel en tant qu'église. As a person. Vous entrerez dans le ciel en tant que personne. So you will not say, Lord, but my pastor did not teach me that. Vous ne direz pas, ah Seigneur, mon pasteur m'a pas enseigné cela. The Lord will say, well, bien, to tell you the truth, à vous dire la vérité, I don't know you. Je ne vous connais pas. John chapter 5. Jean chapitre 5. Because of time, I want to summarize that and move to the next. À cause du temps, je vais résumer cela puis avancer au prochain. What is the message the Church of Christ in France? Quel est le message pour l'Église de Christ en France? John chapter 5, verse 24 to 28. Jean chapitre 5, verset 24 à 28. Verse 21 is good. We start from 21 to 28. Allons au verset 21 plutôt jusqu'au verset 28. The revelation of the visitation of God when he showed me the rapture of the dead, how it will happen. Quand, comment va arriver l'enlèvement des morts, quand tu vas donner la grande visitation de cette vision. He says, il dit, for just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Moreover, the Father judges no one. Le Père ne juge personne. But has entrusted all judgment to the Son. Mais il a remis tout jugement au Fils. That all may honor the Son. Afin que tous honorent le Fils. Just as they honor the Father. God is honor le Père. He who does not honor the Son. Celui qui n'honore pas le Fils. Does not honor the Father. N'honore pas le Père. Who sent him. Qui l'a envoyé. Verse 24. Verset 24. I tell you the truth. En vérité, en vérité. Whoever hears my word. Je vous who sent me celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé has eternal life a la vie éternelle and will not be condemned et ne vient point en jugement. He has crossed over il est passé from death to life de la mort à la vie. I tell you the truth en vérité a time is coming je vous l'ai dit it has now come l'heure vient et elle est déjà venue when the dead will hear the voice of the Son of God où les morts entendront la voix du Fils de Dieu and those who hear et ceux qui l'auront entendu will live vivront. He says il dit a time will come et l'heure vient. Listen to me, focus here. Regardez vraiment, attirez votre attention ici. He said, a time will come. Il dit, l'heure vient. It has come. Et elle est déjà venue. With those who are in their graves. Où les morts will hear the voice of the Son of Man. Entendront la voix du Fils de Dieu. And if I were you. Et si j'étais vous. He says. Il dit. And those who hear. Et ceux qui l'auront entendu. Meaning not all will hear. Ça veut dire que tous n'entendront pas cette voix. If I were you. Si j'étais vous. I would analyze those who hear. Je vais souligner ceux qui l'auront entendu. I would want to know who are those who will hear. J'aimerais savoir qui sont ceux qui l'auront entendu. So I can be like them. Afin que comme eux. And he says, and those who hear, et ceux qui l'auront entendu, meaning not all will hear, ça veut dire que tous n'entendront pas, those who hear, ceux qui entendent, will live, ils vont vivre, eternal life, ils vivront dans une vie éternelle. And he continues to say, il continue en disant, for as the Father has life in himself, car comme le Père a la vie en lui-même, so has he granted the Son to have life, est-ce qu'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, in himself, en lui-même. And he has given him authority to judge. Il lui a donné le pouvoir de juger. Because he is the Son of Man. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Verse 28. Verset 28. Do not be amazed at this. Ne vous étonnez pas de cela. For a time is coming. Car l'heure vient. When all who are in their graves. Où tous ceux qui sont dans leur sépulcre. Will hear the voice. Entendront sa voix. And come out. Et en sortiront. And those who are done good will rise and live. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. And those who are done evil will rise to be condemned. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Alléluia. The Lord is talking about the same thing that Daniel said. Le Seigneur est en train de parler la même chose que Daniel a dit. Only that here now, seulement ceux qui écoutent, he says that there will be those who will be able to hear. Il dit, il y aura ceux qui seront capables d'entendre la voix. Remember, yesterday I read for you the biblical places of rapture. Hier, j'ai lu pour vous les bases pour l'enlèvement. And I say, et je dis, there will be the voice of the archangel. Je dis qu'il y aura la voix de l'archange. In the sky. Dans les cieux. And I told you. Et je vous ai dit. That the Father has even made me hear that voice. I know every word the voice will say. Le Père a permis que je puisse entendre cette voix. Et je connais toutes les paroles que cette voix dira. And then there will be the trumpet of God. Alors il y aura la trompette de Dieu. And then the church will be taken. Alors l'église sera prise. The dead first. Les morts premièrement. And then the living Christians. Et puis les chrétiens qui resteront vivants. But now listen to this. Écoutez ceci. If there will be such a myriad, a blast of events. S'il y aura un tel myriade, un tel nombre d'événements. A blast. Une immensité d'événements. Of events. D'événements. How come they say it is like a thief? Pourquoi ils disent alors que ce serait comme le jour d'un voleur? How come they say it is hidden? Pourquoi ils disent que c'est caché? Listen. Écoutez. Because not all will hear. Parce que ce n'est pas tous qui entendront cette voix. Only those whose spiritual ears are open. Seulement ceux qui ont les oreilles spirituelles ouvertes. That means they have been infilled with the Holy Spirit. Ça veut dire qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Only those Christians who have killed the flesh. Seulement les chrétiens qui ont tué la chair. And have accepted the Holy Spirit. Et qui ont accepté le Saint-Esprit. To take them over. De les prendre. Only those Christians who have accepted to crucify their flesh by carrying their cross. Seulement les chrétiens qui ont accepté de crucifier la chair en portant la croix. Having killed the flesh. Ceux qui ont tué la chair. Only they will hear. Seulement eux ils vont entendre. They will hear the archangel. Ils vont entendre l'archange. And then they will hear the voice of the Son of God. And then they will hear the trumpet. Ils vont entendre la voix du Fils de Dieu et puis vont entendre la trompette. That's why I told you, you underline those who will hear. C'est pourquoi je dis, soulignez ceux qui l'auront entendu. So you want to be like them. Parce que vous voulez devenir comme eux. You want to hear. Vous avez besoin d'entendre. Those are the ones whose spiritual ears will be opened. Ceux qui auront les yeux spirituels ouverts. At that time. À ce moment-là. That means they will have carried their cross. Ça veut dire qu'ils ont porté leur croix. And followed Jesus. Ils ont suivi Jésus. Meaning crucify the flesh. Ça veut dire qu'ils ont crucifié la chair. But to look with lasting eyes. Et regarder avec les yeux de convoitise. That means the flesh is still alive. Ça veut dire que la chair est encore en vie. It is well. In other words, the flesh is saying, look, I'm well and still alive. Ça veut dire I'm alive and well. La chair est en train de dire, regarde, je suis vivant, je suis bien. When you pick up the cross, it is a road of rejection. Quand vous portez la croix, c'est un chemin de rejet. In France, you are in a modern country. En France, c'est dans un pays moderne. It might involve you not watching certain television channels. Ça doit impliquer que vous ne regardez même pas certaines chaînes de télévision. It might involve you disconnecting from certain friends. Vous devez vous déconnecter même à certains camarades, certains amis. It might involve you stopping to go to those Friday meetings in town. Vous devez même abandonner là à ces réunions les vendredis soirs. It might involve you refusing some of the things you hold dear to your heart. Vous devez même commencer à refuser les choses qui vous retenez dans le cœur. It is a path of rejection. C'est une voie de rejet. Whoever wants to follow me, tous ceux qui veulent me suivre, let them pick up their cross, laisse-les porter la croix, and follow me, et qu'ils me suivent. That road is full of rejection. Ce chemin est plein de rejet. It passes through the garden of Gethsemane. Ça passe par le jardin de Gethsemane. Where you are praying and the sweat is coming like blood. Quand vous priez, la sueur devient comme le sang. Where you your spirit is strong but the flesh is weak. Now what the spirit is strong and what the shell is faible. And the Bible says in Galatians chapter 1 that there is a conflict. Il y a un conflit between the flesh entre la chair and the spirit. Et l'esprit. When the spirit wins, quand l'esprit a vaincu, you enter. Vous rentrez dans le ciel. When the flesh wins, quand la chair a vaincu, you go down to hell. Vous descendez dans l'enfer. Hallelujah. Hallelujah. I want to move on, precious people. Je vais avancer, monsieur peuple. I want to share the third conversation. Je vais partager la troisième conversation. Oh, the Lord has loved you. Oui, le Seigneur vous aime. There's a lot to share on that revelation of Daniel, but I just want to cut it. Or that revelation of the rapture of the dead he showed me, but I want to cut it. Je vais couper sur la révélation de l'enlèvement des morts, mais à cause du temps, je dois couper ça. Because of time. À cause du temps. On the 3rd of May. Le 3 mai. At 5:38 a.m. À 5h38 du matin. Again. Encore. May 3rd. Le 3 mai. 5:38 a.m. I woke up and I looked at my clock. 5h38 du matin. Je me suis réveillé, j'ai regardé à la montre. The year 2007. L'année 2007. The Lord spoke with me again. Le Seigneur m'a parlé encore. About the coming of the Messiah. Au sujet de la venue du Messie. And that's the reason he has sent me to France today. C'est la raison pour laquelle m'a envoyé en France aujourd'hui. You know the problem is this. Le problème c'est celui-ci. Many people. Plusieurs personnes. They say I am a servant, I'm a servant. Ils disent je suis serviteur, je suis serviteur. Especially from Kenya. Spécialement du Kenya. They say you know I am going to France, I'm going to Britain. Ils disent je m'en vais en France, je m'en vais en Angleterre. I am a bishop, I am going to Australia. Je suis un bishop, je m'en vais en Australie. I am going there to preach. Je m'en vais là-bas pour prêcher. And when I ask them, et quand je leur demande, well, that means the Lord is sending you there. Ça veut dire que le Seigneur vous envoie là-bas. Yes, he's sending me there. Il dit oui, le Seigneur m'envoie là-bas. With what message? Avec quel message? He said, you know, il dit vous savez, at times it will be in that shower. Et moment, in that shower. À un moment ça sera dans cette douche. And then he will just give you the message there. À la douche, il va me donner le message là-bas. At times it will be in that aeroplane. Des fois, c'est quand je suis dans l'avion. Then he will give you the message there. Alors dans l'avion, il va me donner le message. That's the lie of the devil. Ça, c'est le mensonge du diable. Many have sent themselves. Plusieurs se sont envoyés eux-mêmes. Without a message. Sans avoir un message. If you have been not called, si vous n'avez pas été appelé, tell him Lord, dis, Seigneur, I want to serve you. Please call me. Je veux te servir, s'il te plaît, appelle-moi. He will call you. Il va vous envoyer. He will anoint you. Il va vous voir. He will give you a message. Il va vous donner un message. Because he's looking for many workers. Parce qu'il cherche beaucoup d'ouvriers. Don't save yourself. Ne t'envoie pas toi-même. You rather wait for one more year. Tu n'as pas besoin d'avoir une année de plus que ça. Until he sends someone and someone says, look, I saw a dream of you. Enfin, juste il va envoyer quelqu'un d'autre en disant, voici j'ai eu un rêve sur toi. But to save yourself. Et si tu t'envoies toi-même. And come here and start teaching some witchcraft. Et tu viens si tu commences à enseigner quelque chose. And start saying, bring money if you bring. Those who want to get their paper, their citizenship in France. Put in an envelope of 10,000 euros right here. 1,000 euros right here. Ceux qui veulent avoir leur papier ici en France, mettez 1,000 euros dans l'enveloppe et courez ici. And women are running, leaving their slippers by the chair. Et les femmes, sandals. Les femmes courent en mettant leurs chaussures dans la chaise là-bas. Those who are believing for a new car, run here with 2,000 euros. Ceux qui veulent avoir une nouvelle voiture, courez ici avec 2,000 euros. Pastor, don't let them preach here again. Pasteur, ne les permet même pas de prêcher ici encore. The moment of truth has come. L'heure de vérité est arrivée. On May 3rd. Le 3 mai. The 3rd of May. Le 3 mai. At 5:38 a.m. À 5h38 du matin. The year 2007. L'année 2007. The Father spoke with me again. Le Père a parlé avec moi encore. About the coming of the Messiah. Au sujet de la venue du Messie. And I say. Et je dis. Make sure you write down as much as you can. Écrivez le plus que vous pouvez écrire. Because you will not find it on TBN. Parce que vous ne verrez pas cela sur TBN. You will not find it on Daystar. Vous ne verrez pas ça sur Daystar. You will not find it on Christian TV. Vous ne verrez pas ça à la télévision chrétienne. He has made me a village preacher. Il a fait de moi un prédicateur du village. He has made my countenance my image. Il a changé mon visage. He has made my image disfigured. Il a défiguré mon visage. So I am not the type they can like. Je ne suis pas un type qu'ils peuvent apprécier. So he has hidden me in the villages of Africa. Il m'a caché dans les villages de l'Afrique. My image is disfigured. Mon visage a été défiguré. That no man can desire to be like me. Afin que aucun homme ne puisse me désirer. He has hidden this. Il a caché ces choses. I am a village preacher. Je suis un prédicateur du village. That's why you find me preaching to the widows of the villages of Africa. Quand vous me trouvez à faire prêcher aux veuves des villages de l'Afrique. Because they love the king. Parce que les veuves là aiment le roi. They have survived only because of the Lord. Without the Lord, some of them would be in the graves right now. So make sure you write down as much as you can. On May 3rd, at 5:38 a.m. in the morning, le matin. He spoke with me about the rapture again. Il a parlé à nouveau avec moi sur les noces de l'agneau. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Listen to this. Écoutez ceci. It was in the direction facing east. C'était dans la direction tournant vers l'est. And then in that vision I saw the dark sky. Et dans cette vision je vis le ciel ténébreux. It was too dark. C'était tellement noir. What you call pitch darkness. C'était les noirs épais. When it is absolutely sealed, so dark it is sealed. Quand c'est vraiment épais et que c'est complètement noir. And then as I was looking at the dark sky. Alors quand je regardais dans le ciel qui était complètement noir. Then all of a sudden. Et soudainement. Heaven opened into the sky. Le ciel s'ouvre dans le ciel. And I saw a lot of glory coming out. Et j'ai vu pour la gloire descendre de cette ouverture. And then heaven opened. Alors le ciel s'ouvre. And then I saw the glory coming. Je voyais la gloire descendre. Coming out of heaven. La voix descendre du ciel. Into the dark sky. Et qui couvrait l'espace qui était noir. And starting to change into some light. Et changer les lumières en lumière. Listen very, very carefully. Il n'y a plus de mouvement, tu vas attentivement maintenant. And as the glory was coming out. Et quand la gloire continuait à sortir. Then all of a sudden. Et puis soudainement. I saw a golden clock. J'ai vu un horloge en or. It was lowered into the sky. Qui est descendu de l'entrée du ciel. At the entrance of heaven. À la porte du ciel. And I remember when I looked at the clock. Je me rappelle quand je regardais la montre. I was shocked. J'étais choqué. Because I realized. Parce que j'ai réalisé. In fact, at first I did not believe. En fait, en premier, j'ai pas cru. At first, I did not believe what I saw. En fait, j'ai pas cru ce que je voyais. And I looked again very carefully. Et j'ai regardé encore plus attentivement. And I saw the hour hand. Et j'ai vu la dépit de l'heure. And then the minute hand. J'ai vu le prix de minutes. When I looked, quand je regardais, I realized, j'ai réalisé, it was 1 minute to midnight. Il était une minute avant minuit. But what made me panic? Mais qu'est-ce qui m'a fait paniquer? Is when I looked at the second hand. Quand je vis à l'esprit de seconde, it was moving so fast. Elle tournait très très vite. And then I trembled. Et je tremblais. And I shouted. Et je criais. I said, "Oh my God!" J'ai dit, oh mon Dieu! It is soon going to be midnight. Ça va bientôt minuit. And the voice said, et la voix dit, "Go tell these people." Va dire à ce peuple to repent. De se repentir. And prepare the way. Et de préparer le chemin. For the coming of the Lord. Pour la venue du Seigneur. What is the message the Church of Christ in France? Quel est le message pour l'Église du Christ en France? Write down the following because of time. Écrivez ceci à cause du temps. Number one. Premièrement. Every time. Chaque fois. It is 1 minute to midnight. Il est une minute avant minuit. Again I repeat. Alors je répète. Every time. Chaque fois. It is 11:59 p.m. Il est 23:59. That means. Ça veut dire. That the whole day is gone. Ça veut dire que la journée est complètement finie. And a new day has arrived. Et un nouveau jour est arrivé. Number two. Deuxièmement. That means, ça veut dire, there is even nothing you can do about it. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur cela. You cannot even stop the world, the clock. Vous ne pouvez pas arrêter la mort. You cannot even rewind the clock. Vous ne pouvez même pas retourner l'heure en arrière. That means it is not in your control anymore. Ça veut dire que ce n'est plus à votre contrôle maintenant. You have no choice but to go according to that clock. Vous n'avez plus le choix que d'évoluer par rapport à cette montre. Otherwise you will be late. Sinon vous serez en retard. Every time God speaks, chaque fois que Dieu parle, only in the Bible, seulement dans la Bible, is hidden the revelation. Est cachée la révélation. And we know that the Bible says, et nous savons que la Bible dit, that the Messiah will come at the midnight hour. Que le Messie viendra à l'heure de minuit. The bridegroom. L'époux. But we know. Alors nous savons. That's another point. We know. Nous savons. That every time. Que chaque fois. It is 11 p.m. Il est 23 heures. The peak darkness covers the sky. Que il y a un ténèbre qui couvre le ciel. That's why I love preaching to the village people. C'est pourquoi j'aime prêcher aux villageois. I love preaching in the villages. J'aime prêcher dans les villages. The villages of Africa. Les villages de l'Afrique. Because in the villages there are no street lights. Parce que dans les villages ils n'ont pas de lumière. They really understand me. Ils me comprennent bien. When 11 p.m. reaches, there is absolute darkness that covers the village. Quand il est 23 heures, il y a un ténèbre qui couvre tout le village. So it is in the spiritual realm. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. That when 11:59 p.m. arrives, quand il est 23:59, that means pitch darkness has entered the house. Ça veut dire que le sommet des ténèbres est entré dans la maison. In the village, dans le village, I remember we used to buy paraffin. Je me rappelle, on avait l'habitude d'acheter les kérosène. And so you know, every evening you have to boil the lamp. Et vous savez que chaque soir on devait mettre ça dans la lampe. And we light the lamp. Et nous allumons la lampe. But at times when you come at 11 p.m. Mais il y a un moment quand vous arrivez vers l'heure de 23 heures, and you come to the house, vous rentrez à la maison. You are forced to ask a question. Vous êtes forcé à poser une question. You say, does it mean today there is no lamp here? Et vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de lampe ici? Is there no light in this house? Est-ce qu'il n'y a plus de lumière dans cette maison? Because the darkness of 11 p.m. is so heavy. Parce que le ténèbre de 23 heures est tellement épais, tellement lourd. The light that used to be enough. Que la lumière qui était suffisante. Cannot be enough anymore. Ne sera plus suffisant à cette heure-là. So it is in the spiritual realm. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. When 11 p.m. arrives. Quand 23 heures de la nuit arrive. More darkness comes in. Il y a plus de ténèbres qui arrivent aussi. So it requires more light, stronger light. Ça demande une grande lumière, plus une grande lumière. Alléluia. Alléluia. Now let us continue. Maintenant continuons. In the Bible. Dans la Bible. You see that God was preparing the house of Jacob. Vous voyez que Dieu est en train de préparer la maison de Jacob. Preparing the people of Israel. Préparer le peuple d'Israël. For the midnight hour. Pour l'heure de minuit. In the book of Exodus chapter 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12. He prepared them for the midnight hour. Il les a préparés pour l'heure de minuit. And these things were written in your Bible. Et ces choses étaient écrites dans votre Bible. That they may be there as an example to you. Pour que soit là comme un exemple pour vous. That you too, if you follow these things. Afin que vous aussi, si vous suivez ces choses. Then you will see the kingdom of God. Alors vous verrez le royaume de Dieu. Exodus 12. Exode 12. Come with me there, precious people. Allez avec moi là-bas, précieux peuple. We're going to read only 1, 2, 3 scriptures here. Only 1 or 2 scriptures now. And he said, et puis il dit, verse 5, Exodus 12. You can read the whole Exodus 12 at home. Vous pouvez lire tout Exode à la maison. But for time, we are reading verse 5. Pour le temps, nous lirons le verset 5. The animals you choose must be year-old males without defect. Ce sera un. Tell them this is how they are to prepare for the midnight hour. They must, when it comes to the midnight hour, they must now take a lamp without defect. Because when it comes to midnight hour, nothing else matters to me anymore. Oh Lord, I used to dance in the worship. That does not matter to me anymore. Oh Lord, I used to go to the radio station to preach. That does not matter anymore. Oh Lord, you know, I used to be persecuted for you. That does not matter anymore. Oh Lord, you remember how I used to wake up at 4 to pray to you. That does not matter anymore. But he said, when it comes to the midnight hour, when I am going to come and steal them, I am going to come and steal the house of Jacob, so I can bring judgment to the God of Egypt. What will matter? Ce qui sera important, is only the blood of the lamb. Ce sera seulement le sang de l'agneau. Only the blood of the lamb will matter. Seulement le sang de l'agneau sera important cette heure-là.